Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau tour de l'actu. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, notamment de la séparation à venir des Chinois Liang Wang, pourtant vice-champion olympique. On va aussi faire un petit débat sur ce que la BWF veut mettre en place, c'est-à-dire un changement de scoring. On va parler de Yuta Watanabe, comme j'ai l'impression qu'on le fait toutes les semaines en ce moment. Et on va finir avec un petit tour franco-français du top 12, puisqu'il y a eu des belles rencontres ce week-end, notamment un Fos Mulhouse au sommet. Tout ça, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me! What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et je suis, comme d'habitude, accompagné de Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Les tours de l'actu semblent vous plaire, puisque celui qu'on a fait il y a 2 semaines a été pas mal écouté, comme les précédents d'ailleurs, donc c'est ce qu'on va faire aussi, et on en profite de le faire cette semaine, puisqu'il n'y a pas de tournoi à débriefer. Ce qui va pas être le cas des 4 prochaines semaines, puisque là on a une grosse tournée européenne de début d'année qui se prépare, avec dans l'ordre German Open, Orléans Masters, All England et Swiss Open. Donc voilà, on va faire nos 4 prochains épisodes, seront des débriefs de tournoi, donc on va prendre le temps qu'on a maintenant pour faire un petit tour de tout ce qui s'est passé ces derniers jours et semaines dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Et on va commencer tout de suite, Benoît, avec, je te le disais en rigolant il y a quelques jours quand on a appris la nouvelle, c'est vraiment La Chinese Badminton Association, la CBA, qui nous fournit des sujets d'épisodes toutes les semaines. Il y a 2 semaines, c'était leur mixte qui changeait à la surprise générale. Et cette fois, c'est le double homme, puisque quand les Swiss Open a publié les listes de joueurs inscrits, on a constaté que Liang Wei Kang et Wang Chang, c'est Liang Wang, les numéros 3 mondiaux maintenant, ils sont un peu descendus, n'étaient pas inscrits ensemble, mais étaient inscrits quand même, puisque Wang va jouer avec Liu Yi, va jouer avec Liu Yi, tandis que Liang va jouer avec Wang Di. En fait, si on regarde bien, la Chine change toutes ses paires de double hommes pour ce Swiss Open, à part Eren, donc, qui sont 6e mondiaux. Donc, ils prennent la paire numéro 3 mondiale, la paire numéro 15 mondiale, qui est Chen Liu, la paire numéro 33, Chie Zheng, et la paire numéro 38, Wang Liu. On passe tout ça dans la moulinette et ça nous sort 4 nouvelles paires qui seront inscrites au Swiss Open. Benoît, la question, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse, c'est à quel point c'est définitif? Est-ce que c'est juste un test, un one-shot? On va voir si Liang Wang sont encore inscrits ensemble sur les tournois futurs, mais comme il n'y en a pas tout de suite après, puisque le Swiss Open finit cette tournée européenne, on ne peut pas encore vérifier. Mais même sans avoir la réponse à cette question, Benoît, on peut déjà en parler, et ça montre quand même que en interne, on n'est pas à 200% satisfait de ces vice-champions olympiques. Ça montre clairement qu'on n'est pas totalement satisfait. On va évidemment détailler un peu nos pensées là-dessus. Je pense qu'il y a énormément de sujets que ça soulève. Déjà, le premier, c'est que le fait d'être champion du monde, médaillé mondial, pardon, et vice-champion olympique, c'est pas une garantie de continuer à jouer ensemble. C'est la première chose. Coucou à d'autres fédérations. L'autre, c'est, je pense qu'il y a plusieurs prismes, peut-être qu'on peut commencer par là pour voir la nouvelle. C'est le premier, c'est ok, on n'est pas satisfait, on vous change, c'est définitif. Le deuxième, il y a ok, on n'est pas satisfait, on vous le montre très clairement, c'est juste une piqûre de rappel. Et le troisième, c'est ok, pas ouf ce qu'on voit en ce moment, on peut va tester un one shot avec d'autres et puis on verra. Et je pense qu'il y a ces trois façons de voir. Dans l'immédiat, de toute façon, ça change rien, ils vont jouer avec deux partenaires différents, deux partenaires, alors un qui est 15e mondial, l'autre, on l'a dit, 30 si je dis pas de bêtises, deux joueurs qui sont de 2000, je l'ai noté, 2003, donc un peu plus jeune que Liang et Wang. Voilà, je pense que c'est les données de base qu'on a. Deux joueurs qui ont très peu de palmarès quand même, pas des joueurs très en vogue chez les juniors. Un qui a commencé quand même à gagner, c'est Liu Yi, plus que Wang. Mais voilà, c'est. On est quand même sur une expérimentation plus, quoi. Tu parlais du mix tout à l'heure, et je vais te laisser après me donner ton avis, parce que je suis très curieux, mais on est quand même très loin de ce qu'a fait la Chine avec ses deux meilleurs paires au monde, un mixte. Ouais, Benoît, le constat, on peut sûrement le comprendre. C'est vrai que toi et moi, je me souviens quand on avait fait notre bilan de l'année, si je ne me trompe pas, contrairement aux gens de notre Discord, on mettait tous les deux Liang Wang comme paire de double homme de l'année. Ceci étant dit, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même eu un avant-après Jeux Olympiques. Hein, et ça peut se comprendre, les mecs sont humains. Ils perdent les JO à 21-19 au troisième en finale. On peut comprendre. Leur résultat depuis, c'est un deuxième tour au China Open. Une demi-finale perdue en Finlande. Alors, ils gagnent quand même le Denmark Open, c'est leur seul titre depuis. Ils avaient fini l'année avec un piètre deuxième tour au China Masters, encore chez eux. Et leur début d'année 2025, il n'est pas fantastique. Hein. Défaite contre Kim Seo au deuxième tour du Malaysia Open. Et toujours contre ces mêmes Kim Seo en quart de finale de l'India Open. Benoît, est-ce que c'est drôle qu'ils aient perdu deux fois contre Kim Seo? Parce que est-ce que tu crois que la formation de cette nouvelle paire coréenne qui doit faire peur à pas mal de fédérations, hein, je pense qu'au Danemark, en Inde, en Indonésie, on a l'œil sur cette paire Kim Seo. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a poussé la Chine à agir, tu vois? Est-ce qu'ils se disent, oula, cette paire, elle va partir fort. Là, ils ont battu notre meilleure paire deux fois en deux semaines au début de l'année. On va tout de suite changer un truc pour essayer de les contrecarrer. Et voilà, la Corée a trouvé le combo gagnant en faisant des tests. Peut-être que nous, en faisant également des tests, on va trouver une paire encore plus forte. C'est une bonne question parce qu'au départ, quand j'ai vu les splits, les premières pensées que j'ai eues, c'est les trois que j'ai développées juste après. Et après, t'as raison, parce que je pense que certains aussi se le ont dit, mais tu te dis, ok, attends, il y en a quand même pas mal d'autres qui ont changé des trucs. Évidemment, on parle pas de la Malaisie, hein, puisque tout fonctionne et on changerait, mais la Corée a tenté des trucs. Et tu te dis, ok, Liang Wang, ça fonctionnait moins bien. Est-ce que là, la Chine tenterait pas aussi de créer cette paire magique? Alors, pas impossible, honnêtement. Maintenant, on se le disait en off, je suis quand même dubitatif sur le niveau des deux gars à qui on donne énormément de responsabilités en les mettant quand même à côté d'une des meilleures paires de ces trois dernières saisons sur le circuit mondial. Pour moi, la Corée a pris beaucoup moins de risques déjà, et voilà, c'est ça qui me fait un peu douter sur cette théorie. Maintenant, oui, la Chine voit la Corée bouger et voit la Corée surtout créer peut-être une paire qui peut régner, et ça va pas dû leur plaire. Oui, c'est sûr que quand on met CO avec Kim, il avait des références qui sont, il a un CV beaucoup plus important que ce qu'ont les jeunes Chinois, les futurs partenaires de Liang et Wang, c'est clair. Benoît, moi là, ce qui me... On parlait des changements que la Chine a fait en mixte. Là, je vois quand même que, et j'avais développé ce point dans notre épisode il y a deux semaines, autant en mixte, on le met direct au All England au début de la tournée, dans le grand bain tout de suite. Là, on attend quand même, on laisse passer le All England où Liang et Wang vont jouer ensemble pour faire le test en Suisse. Ça montre quand même que les certitudes que tu as en mixte, c'est pas du tout celles que tu as en double homme. Ouais, c'est exactement là la principale différence. Je pense que c'est aussi un signe qui nous montre que peut-être c'est juste un break pour un court temps. Je sais que là, il y a des rumeurs aussi qui disent que les deux se sont relativement peu entraînés après la période des Jeux. Quand je dis relativement peu, c'est peut-être pas de grosses prépas, peut-être pas d'énormes entraînements, parce que je pense qu'il y a eu la digestion, comme tu disais très bien tout à l'heure, de cette médaille olympique. Je pense qu'il y a, honnêtement, c'est dur de dire, on n'aura pas de réponse précise, mais ouais, effectivement, en fait, il y a plein de facteurs qui montrent quand même que c'est pas une séparation définitive et que la Chine n'a pas enterré cette paire. Ouais, Benoît, moi, l'idée que j'ai et que tu développais, que ce soit une piqûre de rappel, j'ai vu pas mal apparemment d'avis qui disaient qu'après plusieurs sources, qui disaient qu'en Chine, on n'est pas forcément content du niveau de Liang, Liang Weikang notamment, Le fait qu'il soit pas assez affûté depuis notamment depuis les JO, il a toujours été un depuis peu carré toujours, ouais. Voilà, mais là apparemment c'est trop et ça s'est vu notamment sur le terrain. Donc voilà, le séparer de son partenaire rien que pour une semaine sur un 300, ça pourrait être une manière de dire mec, il va falloir te bouger un peu plus à l'entraînement. On n'est pas 100%, on n'est pas 100% satisfait de ce que tu, montres. Donc ça pourrait effectivement aller dans ton sens de dire voilà, c'est pas définitif. Voilà, donc on verra ça de toute façon, en Suisse, puisque du coup les quatre nouvelles paires chinoises seront sur le terrain, tandis que Eren, eux, ne seront pas sur le terrain. Ne seront pas présents en Suisse. Benoît, d'ailleurs, en parlant de RN, pareil, RN, c'est des mecs qui ont, ils ont connu quoi ? Ils ont connu chacun deux, trois partenaires différents au cours des 5 dernières années. Et là, même si, bon, ils ont quand même bien levé le pied depuis quelques semaines, on a l'impression que la Chine, en faisant beaucoup de tâtonnements, a fini par trouver la meilleure paire parmi un groupe de 4-5 joueurs. C'est peut-être ce qu'elle va essayer de faire aussi avec les autres. Pas impossible. Nous, on était les premiers à dire que cette paire fonctionnait quand même plutôt très bien. C'est un peu moins le cas là, depuis les JO, même s'ils n'y ont pas été. Visiblement, la Chine a l'air de leur donner du temps quand même. Alors, c'est sûr que de toute façon, ils sont arrivés tellement vite ensemble, en tout cas, qu'il y allait avoir une période un peu plus difficile. Mais oui, j'ai tendance à penser que la Chine compte sur eux. Ouais, non, moi aussi. Et je vais redire ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Quand on parlait du mixte, c'est qu'il faut faire confiance à la fédé chinoise qui se trompe assez rarement quand même hein, sur ce genre de choix. Les nouvelles paires où ça marche moins bien, je pense par exemple à Liu Hu, même si ça a marché fort aussi au début, c'est souvent subi en fait, hein, parce que Li avait pris sa retraite. Pareil en mixte, si Wang avait pas pris sa retraite, on n'aurait jamais vu Feng jouer à un tel niveau, donc... Là, c'est pas un changement subi, c'est un changement choisi. Donc, je leur fais assez confiance, mais ça renforce un peu l'excitation que provoque ce double homme. Parce que quand tu vois que, par exemple, au Swiss Open, il y aura aussi Fikri Martin, qui est une paire assez récente. Pareil pour Carnando Molana, pareil pour les Taïwanais Wang Chu. Ça a changé en Corée, on l'a dit. Ça a changé un peu en Malaisie, mais on garde quand même Chiasso, etc. Donc ça, ouais, ça, c'est vraiment un tableau excitant en ce moment, le double homme. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet, Benoît ? Non, je pense qu'on peut peut-être conclure en donnant notre théorie la plus probable, et je suis curieux d'entendre la vôtre, parce que c'est pas des sujets qui ont beaucoup été évoqués, comme le prochain sujet dont on va parler sur le Discord, mais disons que si je devais mouiller, moi je pense plutôt à une piqûre de rappel. Et on devrait les revoir, j'ose espérer, si notre ami Liang fait les efforts à l'entraînement, à la salle de muscu, on devrait les voir rapidement ensemble. Ouais, les prochains, on n'aura pas la réponse tout de suite, hein, parce qu'en avril, vous allez voir, ça va être assez calme en termes de tournoi. Il me semble qu'il doit y avoir les championnats d'Europe, donc j'imagine qu'il y a les championnats d'Asie qui doivent avoir lieu à peu près pareil. Ça pourrait être le moment justement où on a la réponse de est-ce qu'ils vont continuer ensemble. En tout cas, je pense que voilà, on devrait avoir la réponse en avril, sinon ce sera en mai avec une nouvelle tournée asiatique qui se terminera avec le Singapore Open, le 750. Donc voilà, là on devrait tout savoir. On va passer à notre prochain sujet. I'm the bad guy. Take that. Alors, avant de parler des sets du nouveau scoring, juste un petit point à Watanabe. Benoît, on avait parlé de lui il y a 2 semaines, Yuta Watanabe, parce qu'il poussait un coup de gueule envers la fédé japonaise, puisqu'il n'est plus en gros dans le groupe des joueurs dont on paye les déplacements. Du coup, lui, il est en mode, bah, si je suis pas dans ce groupe-là, j'ai pas envie de me plier aux autres exigences de la Fédé si je dois tout payer moi-même. Et on se demandait un peu, bah, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe avec lui, qu'est-ce qui va se passer. Et visiblement, on n'était pas les seuls à se demander, puisque Yuta Watanabe a fait une petite mise au point sur Instagram il y a quelques jours pour dire que non, il ne va pas se séparer de sa nouvelle partenaire Maya Taguchi. Ils vont continuer ensemble en visant une qualification pour les Jeux de 2028. Donc, ils voient quand même à long terme. Benoît, moi je suis quand même content de cette nouvelle parce que je faisais partie des gens qui disaient que c'était un peu tôt pour les juger et qu'il fallait leur laisser du temps. Toi, c'est pour ça que j'ai envie de t'entendre ton avis parce que je sais que t'as pas exactement le même que moi. Toi, t'as du mal à y voir un vrai potentiel à cette paire. Ouais, j'ai du mal. Bon, après, je vais pas redévelopper tous les arguments. Je pense que si vous voulez aller. Si vous voulez avoir une idée, vous pouvez réécouter le dernier bas d'actu qu'on a fait. J'ai pas changé d'avis en fait. Je pense que j'ai des gros doutes. Un, là, sur le niveau actuel de Maya Taguchi. Et deux, sur le leadership de Watanabe. Quand on voit le profil des deux joueurs, un mec expérimenté, une jeune joueuse, on aurait besoin de tout ce qu'on n'a pas jusque-là. Peut-être qu'il leur faut du temps. Maintenant, ça confirme aussi des inquiétudes que j'avais. C'est que le Japon, en quelques mois, n'y croit pas non plus. Parce que tu as donné à Watanabe, donc ton meilleur joueur, une très jeune joueuse, et tu lui as coupé les vivres au bout de 5 mois. Donc c'est quoi le message? En fait, disons que le poste de Watanabe nous permet aussi d'avoir du contexte et de pouvoir un peu plus analyser la décision du Japon. Savoir qu'ils vont continuer ensemble jusqu'en 2028, potentiellement viser une qualif olympique, ça montre qu'en fait le Japon ne croit pas à cette paire non plus. Ou en tout cas, n'y croit pas assez pour les financer comme les autres. Ça m'interroge parce que si tant est que ce soit la position du Japon, pourquoi continuer aussi? Ouais, j'ai du mal à savoir quelle est l'idée derrière ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait un peu ses propres choix, du coup, Watanabe, et que peut-être. Lui, il doit y croire, donc on va lui faire confiance. En tout cas, voilà, ils seront sur, ils vont recommencer par des plus petits tournois. En tout cas, ils ne seront pas sur cette tournée européenne. Ça a peut-être un lien avec ce qu'il disait il y a deux semaines, c'est que maintenant, quand tu dois payer les déplacements toi-même, on va peut-être le voir un peu moins en Europe. En tout cas, tant qu'ils n'ont pas encore un niveau satisfaisant. Aimez-vous le badminton? Ah, il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Benoît, on va, j'allais dire, s'éloigner un peu du terrain, mais pas vraiment. Ce qui agite un peu la planète badminton en ce moment, c'est un changement de scoring qu'a annoncé la BWF il y a quelques jours et qu'elle va même tester sur des tournois mineurs dans les mois à venir, à partir du mois d'avril. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le 5x11 que la BWF a essayé de faire passer en 2018 et en 2021. Rappelez-vous, en 2021, on avait fait un épisode dessus et c'était pas passé à une voix près, les 5-7 de 11 points. Et là, toujours dans une tentative de réduire la durée des matchs, on voudrait passer donc, en tout cas c'est ce qui va être testé, à 3-7 de 15 points. Les plus anciens se souviendront que c'est ce qui avait été mis en place depuis 2006, avant 2006, sauf qu'avant 2006, il fallait d'abord gagner le service, donc marquer un point pour gagner le service, pour ensuite mettre des points, donc gagner l'échange pour gagner le service et ensuite mettre des points. Donc ça ralentissait beaucoup les matchs, puisque du coup beaucoup d'échanges ne se soldaient pas par des points marqués pour l'un ou l'autre joueur. Cette fois, on garderait le système actuel, mais avec des sets qui passeraient donc de 21 à 15 points. Et Benoît, là, je suis assez curieux, puisque beaucoup sur le Discord en ont parlé. Toi, je ne t'ai pas vu intervenir et on n'en a pas parlé ensemble. C'est pour ça que je suis très curieux de connaître ton avis sur le sujet. Ouais, et ben tout pareil quand tu vas nous donner le tien, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on parle pas des sujets qu'on évoque en épisode, mais là c'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai pas trop lu globalement ce qui s'est dit sur le Discord, pas par manque d'envie, mais par manque de connexion internet ces dernières semaines. Et du coup, j'irai les lire après, mais je suis curieux aussi de savoir si ça va relancer le débat. Alors, il y a pas mal de choses. C'est que bah déjà, tu as évoqué les tentatives qu'il y a déjà eues. Pour être plus précis, je crois qu'il faut que 2/3 des votants votent pour le changement. Ou en tout cas, pour que le changement apparaisse, il faut qu'il y ait 2/3 des votants qui soient pour. C'est pas la moitié, donc c'est quand même un peu différent d'un vote quand on vote une loi à l'Assemblée, par exemple. Donc ça demande un peu plus de travail pour les gens qui défendent les projets. Le projet, il est quand même largement soutenu par Pouléry Coyer, qui est président de la BWF, et c'était déjà lui en 2018 et en 2021 qui avait tenté ça. C'est juste pour remettre du contexte. Après, évidemment, je prendrai le risque de me mouiller un peu, mais il y a eu une tentative aussi en 2002 de changement de mémoire. C'était un 7x5 points. Ça n'avait pas été voté. Et puis en 2018 et en 2021, le système, il avait été essayé, pareil, sur les tournois. À l'époque, c'était pas le... en 2021 peut-être, mais en 2018, c'était pas le BWF World Tour, je crois. Ou ça venait de l'Edge, je sais plus. Enfin bref, sur les tournois mineurs, en tout cas. Qu'est-ce que, pour remettre un peu de contexte, on a des joueurs qui se sont exprimés, des anciens joueurs aussi, Li Chongwei, qui a notamment dit que ce serait plus du badminton pour lui. Voilà, je pense que, enfin je sais pas, peut-être que tu veux d'abord réagir à ça, mais en vrai je pense que ça soulève énormément de sujets au-delà de ce forcing pour changer le scoring. J'ai pas forcément un avis positif ou négatif, mais je trouve que peut-être qu'on s'acharne un peu trop sur un aspect du contexte badminton. C'est sûr, tu as parlé de Poul Erik Øyer-Larsen, le président de la BWF. Effectivement, c'est son cheval de bataille, j'ai l'impression, changement de scoring. En tout cas, il force pour que ça change. Il a raté deux fois le 7 de 11. Il se dit, bon, on va passer au 7 de 15. Benoît, pourquoi ils veulent changer déjà ? Pour réduire la durée des matchs. Évidemment, ce qu'on considère, est-ce que c'est un peu les mêmes arguments que quand c'était il y a 3 ans, mais il y a 4 ans, mais en gros, on veut réduire la durée des matchs parce que bah, ça plaît moins, les matchs longs, ça arrange pas les annonceurs, ça arrange pas le public qui reste trop longtemps dans la salle, etc. On veut qu'il y ait plus de points importants. Là, il n'y aura pas plus de points importants, mais les points importants représenteront une plus grosse part sur la durée des points totaux d'un match. Forcément, vous le comprenez bien, puisque les points, quand les deux joueurs arriveront à 15, arriveront donc plus vite que quand on arrive à 21. Tout ce que je dis là, c'est très, très logique. Ce qui est un peu différent, c'est qu'avant, du coup, avec les 7 de 11, on faisait plus de pauses et que du coup, il y avait plus de pubs, etc. Là, on garderait à peu près le même système. Juste, on réduit la durée des matchs. Benoît, il s'est passé un truc assez étrange chez moi quand j'ai entendu parler de ça. C'est que je sais pas si tu te souviens, mais quand on avait débattu sur les 7 de 11 ou de 21, j'avais pas trop d'avis. Et ben maintenant qu'ils ont proposé ce truc de 15, et ben je me dis, en fait, les 7 de 11, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Voilà mon avis. C'est très très drôle parce que je me souvenais un peu de ce que j'avais dit, mais on n'avait pas d'avis tranché, ni toi ni moi réellement. Et j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu ce changement, enfin cette proposition. Je me suis dit, en fait, la proposition de 2021, elle n'était pas si merdique qu'on pouvait le penser. On va s'expliquer, évidemment. Hein. Peut-être qu'on a des arguments communs et peut-être que certains diffèrent. Mais en vrai, pour tous les arguments que tu as évoqués, je me dis, oui, on réduit de 6 points, mais il n'y a pas plus de points importants. Alors oui, ils représentent une part plus importante, mais en vrai, on enlève de la dramaturgie. Il n'y a pas plus de points importants. Il y a moins de pubs, donc moins de pubs. Alors oui, nous, on aime le bad, on s'en fout de savoir si Total Energy a une pub pendant les 7. Sauf qu'en vrai, c'est eux qui rapportent l'argent, il faut être quand même lucide. Sauf que là, il n'y en aura pas plus. Ouais, je suis assez... Franchement, je suis assez dubitatif, pour pas dire plus, sur cette volonté de changer. En tout cas, dans ce format-là, on va évoquer après d'autres peut-être idées qu'on a pour améliorer ça, mais je pense franchement, très sincèrement, qu'on essaie de faire passer le scoring pour le truc qui marche pas dans le bad actuel, alors qu'il y a énormément d'autres trucs qui devraient être modifiés et qui doivent être modifiés, je pense, et sauf qu'on met ça sous le tapis en mettant juste le scoring en avant et en disant que c'est ça le vrai problème. Ouais, je suis assez d'accord, ça va être intéressant d'en parler après. Moi, ouais, pourquoi je suis un peu contre, c'est que les 7 de 21, en tout cas les matchs longs, ça fait partie du truc. En fait, il y a des joueurs qui gagnent des matchs parce que leurs adversaires n'arrivent pas à tenir physiquement des gros matchs et au troisième set, ils s'effondrent. Et ben, ça fait partie du jeu. Et du coup, j'ai du mal à voir ça réduit. J'ai du mal à en comprendre l'intérêt, en fait. Je comprends pourquoi ils le font, mais c'est vrai que ça enlèverait quand même une grosse dimension physique au bad. À la rigueur, moi, j'y pensais un peu. Je me dis, si tu veux vraiment réduire la durée des tournois, je suis pas contre le faire en double. Tu vois, je trouve qu'en double, ça aurait du sens parce que la dimension physique, endurance, elle est quand même très très faible. Hein. Quand tu regardes un double dame, des fois, elle joue pendant plus d'une heure eh ben, au bout d'une heure, elles savent toujours mettre des dégagés au fond et les échanges, ils sont... Je suis pas expert du double dame, mais je trouve très semblable à ceux du début de match. Alors je trouve qu'en double, ça pourrait peut-être s'entendre, parce que comme ça, au moins, tu réduis la durée des tournois, que ce soit double homme, double mixte ou double dame, au moins, tu as les points importants un peu plus tôt. Par contre, en simple, je trouve que ça... En simple, il y a vraiment l'aspect physique et mental qui rentre beaucoup plus en compte dans des gros matchs, et je trouve que ça enlèverait vraiment un truc de réduire la durée de ces matchs-là. Ouais, et avant qu'on enchaîne, parce que je pense que tu l'as dit, mais on a pas mal d'autres sujets sur lesquels on pourrait avancer dans le BAD, ça me posait quand même une grosse question, ce changement. C'est l'argument, j'ai entendu un argument évoqué par le board de la BWF qui disait oui, la Sudirman, il sortait des chiffres de la Sudirman en disant il y a eu 6, 7, 8 heures de match sur tel match, et d'ailleurs ça a été repris par la très bonne vidéo de This is Badminton sur YouTube, on vous partage régulièrement les vidéos, peut-être qu'on la mettra en description, mais sinon vous pouvez aller la voir sur YouTube, elle est disponible, c'est une des dernières. C'est quoi cet argument claqué au sol de nous sortir des matchs sur demand qui ont duré 6 heures, 7 heures ou 8 heures? La Sudirman ou la Uber ou la Thomas, que je sache, aux dernières nouvelles, c'est quoi, 5% maximum de tout ce qu'il y a sur le circuit? Enfin, genre, je comprends pas qu'on puisse dire que ça, c'est représentatif du fait que les matchs soient trop longs. Parce que en soi, c'est pas vrai. Si on me dit qu'un match de double dame, il est trop long, 1h30, on peut débattre. Moi, je suis pas spécialement d'accord. Mais qu'on prenne des arguments de match par équipe alors qu'il y a 2 compétitions par an, enfin, what the fuck, quoi. Oui, non, les compètes par équipe, c'est pas un très bon... C'est pas un très bon exemple, je trouve. Mais oui, non, je suis assez d'accord. J'ai du mal à comprendre en quoi c'est vraiment un changement intéressant. J'ai vu aussi que certains disaient pour éviter le risque de blessure, mais enfin, c'est un peu... Ça on fait va un en peu parler, partie, t'inquiète. Un peu partie du jeu, un peu partie du jeu, je trouve. Mais bon, bref. Benoît, juste avant qu'on parle des autres changements possibles, c'est vrai que il n'y a pas que le badminton qui est là-dedans. Tu vois, au tennis maintenant, dans tous les grands chelems, si je ne m'abuse, il y en a plus aucun qui a enlevé le tie-break au cinquième set. Maintenant, on essaye de réduire, et il y a encore beaucoup de jeux de voix qui s'élèvent dans le tennis pour réduire les matchs. Au foot, il y a pas mal de compétitions qui ont supprimé la prolongation. Maintenant, par exemple, en Coupe de France, on passe direct au tir au but. Il y a aussi beaucoup de propositions dans le foot ou dans les autres sports pour rendre les matchs plus intéressants, plus courts, etc. On peut préciser quand même que le badminton n'est pas tout seul là-dedans. C'est une volonté du monde du sport d'essayer d'attirer des nouveaux publics, notamment des publics plus jeunes, et de nouveaux annonceurs. Il y a besoin, voilà, c'est évidemment une question d'argent, mais le BAD n'est pas tout seul dans ce combat-là, même des sports plus médiatisés passent par là. Carrément, mais alors, aussi dur que ça puisse être, on parle de sport beaucoup plus structuré que le nôtre, on parle régulièrement de ce qu'on pense de la BWF et de ses erreurs un peu, franchement, parfois ridicules. Là, tu as mentionné le foot et le tennis. Le foot et le tennis, c'est quand même des sports ultra structurés, ultra médiatisés, où il y a déjà énormément d'argent, même si évidemment on sait que tout le monde n'en vit pas, en tout cas du tennis surtout. C'est des sports où je pense qu'on cherche à avoir toujours plus d'argent, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'en ramener plus là à l'instant T. Le BAD, c'est quand même une autre évolution. Et j'ai quand même l'impression que le tennis et le foot, c'est une évolution évidente, la durée. Alors que le BAD, encore une fois, on a l'impression que j'insiste là-dessus peut-être, mais je pense que c'est pas vraiment l'unique vecteur, ni le vecteur majeur sur lequel on devrait appuyer là tout de suite. Alors que le foot et le tennis, évidemment, il y a des changements de règles. Enfin, on va pas rentrer sur ces deux sports-là, mais il y a eu des petites évolutions de règles dans chacun des deux sports ces dernières années. Mais le scoring, c'est quand même le truc sur lequel il y a le temps de jeu, c'est quand même le truc sur lequel il y a un énorme travail à faire. Ouais, c'est vrai. Je précisais ça pour dire que il y a un peu un aspect, que ce soit dans le BAD ou dans les autres sports. Moi, Benoît, mon avis, c'est que quel que soit ton avis ou le mien, il y a une sorte de truc inéluctable, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu la suite logique et que le bad peut résister tant qu'il veut, ça va finir par rechanger. Mais je vais plutôt faire le lien avec ce que tu disais. Et pour le coup, Benoît, j'ai vu que c'était un avis, notamment, j'ai vu sur Reddit, j'ai regardé sur des forums internationaux et tout, sur YouTube. Beaucoup de gens disent comme toi, disent... pourquoi la BWF fait un blocage là-dessus alors qu'il y a beaucoup d'autres trucs potentiellement à changer pour rendre le sport plus attractif ou qui fonctionne mieux? Est-ce que tu as quelques exemples? Est-ce que toi, tu as des idées en tête? J'ai des idées auxquelles je pensais avant et effectivement, comme toi, j'ai lu un peu ce qui se disait partout. Ça a fait énormément réagir, hein. Ça c'est sûr. Il y a eu la vidéo de This is Badminton, le Discord, tu l'as dit, Reddit aussi... très bonne source d'infos si vous connaissez pas encore. Ça a fait énormément réagir, beaucoup plus dans le sens de mais qu'est-ce que vous foutez à vous concentrer sur un sujet qui n'est pas aussi majeur que ce que vous nous voulez nous faire croire. Et effectivement, on a lu beaucoup de solutions, enfin en tout cas beaucoup d'idées. J'ai lu le VAR par exemple, ce serait une forme de challenge, comme ça peut exister au volet ou ce genre de truc. Perso, j'y avais pas pensé et je suis curieux, n'hésite pas à réagir sur ces sujets-là parce que c'est des sujets auxquels j'avais pas forcément pensé. Ils en parlent souvent pour notamment la caméra de filet. On a une caméra de filet, le spectateur voit si l'arbitre s'est trompé, mais l'arbitre lui-même ne le voit pas et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de drama sur des points comme ça. Donc ça, pour le coup, ça peut être... ça paraît pas si compliqué à mettre en place puisque, comme je le dis, le spectateur y a accès. Donc je sais que c'est notamment un des points, je crois que Gil Clark en parle assez régulièrement aussi, un des points qui pourrait être changé, ça. C'est exactement. Après, on a aussi on a le simple, le double. On a vu qu'il y avait du badminton triple depuis quelques temps. Alors, j'entends ceux qui vont me dire que c'est pas l'essence du badminton et je peux même le défendre aussi. Maintenant, si on doit parler d'évolution, de spectaculaire à la télé et tout, je pense que ça peut être un vecteur à développer. Je suis pas fan du... J'ai oublié le nom, on va me taper dessus. Le badminton là, qui se joue dans du sable. Oh, j'ai un trou avec un volant plus lourd. C'est pas le air badminton? Non, si c'est ça. Non, je sais plus. J'ai un gros trou alors que je l'avais noté. Bon bref, je suis moins fan de ça déjà, qui est pour moi un autre sport. Mais en tout cas, il y a des vecteurs, et il y en a un dernier que je me suis noté et que, évidemment, j'ai oublié. Si, évidemment, la façon dont on diffuse, je pense qu'il y a un énorme boulot à faire là-dessus, même si la BWF a beaucoup progressé. Et enfin, le dernier point, la BWF, elle peut nous cacher ce qu'elle veut, mais il y avait 31 tournois du World Tour, je crois, en fin 2022 ou fin 2023. Quand on dit World Tour, c'est entre 100 et 1000. Hein. C'est hors compétition par équipe, Sudirman, Mondiaux, etc. Les blessures, c'est bien sympa de me parler du scoring de 21, mais est-ce qu'aller chercher de la thune sur un maximum de tournois aussi pour la Fédé internationale et qui oblige en plus les joueurs à jouer un nombre de tournois par an, est-ce que, par hasard, c'est pas là aussi le plus gros problème que les 7 de 21 points? Eh ben, Benoît, si. Mais alors ça, pour le coup, c'est aussi... la marche inéluctable du sport, hein. Par exemple au foot on rajoute des compétitions éclatées, tous les ans la FIFA ou l'UEFA nous rajoute des compètes, je sais pas, par exemple en F1 cette année on va avoir plus de courses que ce qu'on a jamais eu, au détriment des pilotes, au détriment des ingénieurs, au détriment de l'environnement surtout, au BAD c'est exactement pareil, on rajoute des matchs, alors c'est pour ça que ça a fait un grincer des dents du côté des joueurs, quand la BWF dit les 7 de 15 points, ça va réduire les blessures, mais dans ce cas-là, pourquoi vous nous obligez à jouer des tournois toutes les semaines au risque de mettre en danger notre santé ? Ce que je peux comprendre. Benoît, on n'en avait pas parlé, mais je ne sais pas si tu vois, il y a quelques semaines, c'est notamment Axel Sen qui avait relayé un coup de gueule de Zhang Beiwen. Qui parlait un peu de son mal-être carrément sur la... On n'avait pas pu faire de bad actu à ce moment-là parce que le calendrier était trop chargé, mais qui disait qu'elle était toujours un peu laissée toute seule, qu'elle avait personne pour s'échauffer, que la BWF ne prenait pas soin des joueurs et joueuses et que ça l'avait mis à une sorte de dépression et que elle a galéré à continuer sa carrière et elle songeait même à arrêter. Je pense que là, je rebondis juste sur ton dernier point. Je pense que la BWF, si vraiment son sujet principal, c'était la santé des joueurs, elle aurait beaucoup de choses à faire avant le changement de scoring. Je ne vais pas revenir sur la diffusion parce que je suis assez d'accord avec toi. Et petit teaser, on risque de recevoir dans les prochaines, après la tournée européenne, de recevoir le bombadiste pour un épisode, et on va surtout en parler avec lui parce qu'il est assez, il est plus calé que nous sur le sujet, et ça va être l'occasion de faire un petit débat, mais je pense qu'il a ses idées pour la diffusion du BAD et on a les nôtres. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des, il y a des changements à mettre en place. D'ailleurs, Benoît, petite parenthèse là-dessus. Je sais pas, on n'en a pas parlé ensemble, on n'a pas fait de débrief, mais j'imagine que tu as suivi au moins de loin la King's Cup de Lindan fin décembre là. C'est un des trucs qui m'avait déçu. Genre, en fait, il voulait faire un tournoi un peu new look et tout, mais en fait, la diffusion, c'était exactement la même. Tu vois, moi, j'attendais un peu, genre, des caméras derrière les joueurs, en diagonale ou plus bas, pour qu'on voit un peu plus la vitesse du volant, des trucs au plus près des joueurs et tout. Et au final, c'était une diffusion toujours aussi classique et un peu chiante, quoi. Donc, fin de la parenthèse, on en reparlera, mais ça m'avait un peu déçu. Il n'y avait pas de nouvelles idées mises en place à ce niveau-là. Mais oui, on verra pour les changements dont tu parlais au début de ta dernière intervention sur les changements de comment se joue le badminton. Mais en tout cas, je suis d'accord que si tu veux le rendre plus attractif, c'est pas un changement de scoring qui va tout changer. Surtout quand t'as refusé les 5-7 de 11 qui auraient pu nous rapprocher du tennis de table, par exemple, qui est un sport qui me paraît être en plein essor, surtout en France, mais même ailleurs. Donc tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, c'était peut-être pas le truc à changer en premier. Benoît, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Non, on en a bien parlé et je partage totalement ton dernier argument sur le tennis de table qui, je pense, est un des meilleurs. On l'avait peut-être évoqué à l'époque où on en avait parlé. Mais je suis curieux quand même d'avoir les avis de ceux qui l'ont pas donné sur le Discord, parce que j'exclus pas quand même que le changement de scoring fasse partie de toute cette évolution que doit subir le badminton pour devenir un sport plus télévisuel, plus médiatisé, avec plus d'argent, etc. Mais voilà, encore une fois, je veux dire, notre avis est pas tranché sur le fait que le scoring ne doit pas changer, mais en tout cas, c'est sans doute pas la place qu'on doit lui donner dans cette évolution. Exactement, maintenant on vous tiendra au courant de toute façon, on va voir comment ça se passe sur les tournois que teste la BWF, et ensuite comme pour les changements précédents qui n'ont pas eu lieu, pour le coup il y aura un vote au conseil d'administration de la BWF et on verra ce que ça donne. On passe à notre dernier sujet du jour, le top 12. Dieu dit, Adam, éclate mon pied. Si vous nous suivez et nous écoutez régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a arrêté de parler de top 12 à chaque rencontre, puisque par question de perte d'intérêt pour Benoît et moi et de perte de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parle plus du tout. Et là, ça paraît être l'occasion, puisque la 8e journée a été jouée hier, quand on enregistre. Et il y a eu notamment une rencontre au sommet entre Mulhouse et Fos-sur-Mer qui s'étaient séparés par un 4 partout à l'aller et qui trustent les deux premières places de cette poule 1. Et Benoît, à nouveau 4 partout pour ce match, pour ce match retour. Deux équipes quasiment au complet. De côté Mulhouse, tout le monde était là, me semble-t-il. Côté Fos, il manquait du monde, mais après, il manque toujours des gens côté Fos puisqu'ils ont un effectif qui leur permet d'aligner quasiment deux équipes. Mais là, ce qui m'a surpris, moi, c'est de voir Thomas Junior Popov pas aligné en simple homme et qui devait pas être à 100%, j'imagine. Ou alors, on a voulu éviter qu'il rejoue Arnaud Merclé comme il l'avait fait au championnat de France. Mais ça, j'y crois pas trop parce que pour moi, il restait favori. Dans tous les cas, 4 partout, Christo Popov qui bat Arnaud Merclé, Zera Erdem qui bat Margot Lassis et les deux mixtes de Fos qui gagnent. Christo Popov et Elsa Jacob qui battent Tom Jikel, Camille Pognante, Thomas Junior Popov et Maïsuro qui battent Rodion Alimov et Margot Lambert en 3-7. Côté du Red Star, on a gagné le simple homme 2, le simple dame 1. On fait confiance aux joueurs et joueuses indonésiens. En l'occurrence, Imka Putrama Arlin sur le simple homme 2. Et Seifi Rizka Nouridaya en simple dame 1 qui a battu Mia Blichfeldt comme elle l'avait fait à l'aller. Alors que, du coup, à ce moment-là, Mia Blichfeldt elle gagne le premier set. Elle était à 1-7 de rapporter la victoire à son équipe. Alimov Jikel qui gagne en double homme. Et Margot Lambert et Camille Pognante qui gagnent un gros match. 21-19 au troisième contre Julie Finoipsen et Maïsuro. Benoît, on va pas passer autant de temps sur toutes les rencontres. Mais celle-là, je pense que tu seras d'accord avec moi, elle valait le coup. Et là où on a longtemps cru que Foss allait pouvoir prendre la victoire, ce qu'elle n'avait pas fait à l'aller, Mulhouse est encore allé chercher le nul dans les derniers instants. Oui, et pas là où on l'attendait. On peut aussi peut-être dire à nos auditrices et auditeurs pourquoi on parle maintenant aussi de top 12, c'est qu'il y a une, même si on avait prévu de le faire dans cet épisode, il y a une mini occasion aussi qui s'est présentée à nous, c'est que, alors vous le saurez jamais parce qu'il y a eu des petits problèmes de diffusion et en partie aussi parce que c'est arrivé très tard de chez nous et voilà, mais on avait prévu des petites capsules pour la rencontre qui auraient dû être diffusées sur la diffusion de la rencontre pour évoquer les sujets majeurs de la rencontre Mulhouse-Foss. Pourquoi on vous dit ça ? Sans rentrer trop dans le détail, c'est que la Ligue Grand Est fait quand même est en train, j'ai envie de dire, de mettre un coup de pied dans la fourmilière top 12. La rencontre était commentée, diffusée, fait les efforts pour contacter les différents médias qui peuvent exister dans le BAD. Disons que ce qu'on a appelé de nos voeux, et on vous l'a clairement dit aussi pourquoi, que c'était une des raisons pour lesquelles on n'avait pas voulu poursuivre le top 12. Disons que là, ça vient pas de la Fédé directement, mais ça vient des ligues qui, quand même, font des efforts. Donc, effectivement, c'était une énorme rencontre. La Ligue Grand Est a fait cet effort-là. Et je ferme la parenthèse que j'ai pas vraiment ouverte. Mais en tout cas, voilà pourquoi on en parle autant, peut-être, en détail. Et ce que je disais, Ewan, je suis curieux de t'entendre là-dessus aussi, parce que, du coup, vous n'entendrez pas les capsules qu'on avait tournées hier. Mais ce qu'on disait, c'est que la force de frappe de Mulhouse, c'était quand même Margot Lambert et le double mixte. Margot Lambert, elle a perdu un double mixte. Les deux doubles mixtes ont été perdus côté Mulhouse. Perso, moi, ça a été ma grosse désillusion côté Mulhouse. Quand on voit les joueurs alignés, quand on voit que Tommy Popov était diminué, parce qu'effectivement, du coup, il l'était, c'est pour ça qu'il n'a pas joué sur les autres tableaux, donc double homme ou simple homme. On a de quoi, quand même, se dire que Mulhouse a une petite marge, que Foss a une petite marge, que ce 4-4, il est logique au vu des résultats, finalement, malgré quelques surprises, et que on a presque envie de les revoir s'affronter en finale, sans offense à Chambly, évidemment, mais à minima, on a envie de les revoir s'affronter. Ouais, c'est clair. Benoît, moi, autant tu parles des mixtes, je suis pas trop surpris de voir Alimov Lambert s'incliner, parce que Margot Lambert est pas une joueuse de mix, et oui. Thomas Junior Popov, Maïsuro, ça gagne quasiment à 100%. Je sais pas s'ils ont déjà perdu en top 12. Ça perd autant pas voir chose. Tom Jiquel et Camille Pognon s'incliner en 2-7 face à Christo Popov et Elsa Jacob. Ce match-là, pour le coup, je l'ai vu. Il y avait un clair écart de niveau. On a vu la paire de Mulhouse très hésitante, je trouve, et ouais, bien dominée. Là, c'est assez surprenant quand même. Et Benoît, Arnaud Merclet a beau ne pas gagner ce match, il prend quand même un set à Christo Popov. Après ces championnats de France, ça commence, même si, voilà, encore une fois, il ne le gagne pas, mais ça montre qu'il est de retour quand même à un niveau assez intéressant. Ouais, il va beaucoup mieux. Faudra voir aussi à l'international, parce que c'est toujours dur de jauger des joueurs qui se connaissent par cœur et qui s'affrontent, parce qu'on le dit souvent pour les Popov, mais en vrai... Arnaud et Alex, ils se connaissent tous les quatre très très bien, ils s'entraînent ensemble régulièrement, et c'est un peu plus dur de juger que quand on les voit contre des joueurs internationaux, mais effectivement, le voir capable de taper Tommy, de prendre un set à Christo, ça montre quand même qu'il est de retour à un niveau qui n'est pas celui de son classement mondial. Donc bon, ce nul, il n'est pas dramatique pour Foss, même s'ils auraient pu gagner. Un peu déçu par Mia Blichfeldt, que je pensais capable de gagner ce match qu'elle a perdu à l'aller, mais là encore, ça passe pas. C'est quand même sa troisième défaite de l'année, ouais. en top 12. Mais Foss, Guy, conserve la tête de la poule avec 8 points d'avance sur Mulhouse, donc ils finiront a priori premier de cette... Alors, de 8 points parce qu'ils ont déjà la victoire contre Arras, mais je pense qu'ils devraient finir premier. En tout cas, les deux équipes qui vont en play-off, elles sont là, je pense. Et ils ne devraient pas avoir trop de suspense. Dans le même temps, même un peu avant, puisque la rencontre a été jouée à 19h, mais le RCF a été écrasé Caen 8-0 là-bas. Caen qui n'a pas disputé le simple dame 2, forfait sur le simple dame 2 et le double dame. Côté RCF, on a déroulé dans l'autre poule. Chambly a également déroulé avec une victoire 7-1 contre Aix-en-Provence. Là, pour le coup, voilà, il y a eu du suspense sur très peu de matchs. Le double dame a été serré, mais Delphine Delru et Esten Van Leeuwen ont battu la paire Akshorina Davletova. Le seul match perdu, c'est Anastasia Akshorina, justement, qui l'a gagné en simple dame 2 contre Kalyona Nalbantova. Mais du coup, voilà, le Chambly toujours emmené par Delphine Delru, son frère aussi Fabien Delru, Marcus Ellis, la recrue Estelle Van Loen, Yann Lauda en simple homme 1, ça reste assez solide. Toujours et dans la poule B, deux matchs nuls. Le deuxième de la poule, le LVA Air sur la liste, qui a été faire 4-4 à Cholet, avec les deux simples hommes gagnés, mais Roman Couteau-Foucault qui a déclaré forfait contre Clara Azurmendi. Shuwei qui a battu Flore Vandenhoek. Le double dame a été gagné par Cholet, ainsi que le double mixte 1. Benoît, est-ce que tu as un avis sur... j'imagine que tu n'as pas trop d'avis sur celle de Chambly qui est largement plus fort que Aix. On l'a dit la dernière fois qu'on avait fait notre récap à la mi-saison. Air sur la liste fait une très très belle saison qu'on n'attendait pas forcément, et pour l'instant à sa place en play-off, et ça va être même dur d'aller les chercher pour les empêcher de y aller. Est-ce que pour toi c'est un faux pas ce 4 partout face à Cholet qui est dernier de la poule? C'est dur de te répondre de manière unilatérale parce que il y avait quand même des absents côté roi, et que du coup bah je pense que ça leur a coûté pas mal. Je dirais que ça leur coûte rien finalement parce que il y a statu quo. Chambly était large devant et Chambly a gagné. Strasbourg n'a pas gagné donc. Strasbourg n'a pas gagné. Au final, tu perds pas grand chose. Faudra faire le job sur les deux dernières rencontres, et c'est un peu la même chose. On l'a très brièvement dit, mais Mulhouse qu'on imagine tous les deux, je pense, en play-off. Si on doit pronostiquer, c'est pareil en fait. La prochaine journée va être cruciale, je pense, pour tout le monde dans les deux poules, parce qu'il y a un Mulhouse RCF qui a que 4 points d'écart. Parce que R, je pense que énormément va jouer sur cette avant-dernière journée. Voilà, ils tiennent la corde les deux, mais faut quand même pas se planter en faisant un faux pas. Et derrière, t'as une équipe genre Strasbourg. Bon, Strasbourg a pas, j'ai envie de te dire, capitaliser là sur cette journée, mais ils sont pas si loin non plus, quoi. Non, c'est vrai, il manquait aussi un peu de monde côté Cholet d'ailleurs. Et la dernière rencontre, voilà, c'est le 4 partout entre Strasbourg et Rostrena. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, c'est très serré. Il y a eu pas mal de grosses raclées des deux côtés. Les spectateurs ont dû être vite rentrés chez eux. Un des seuls matchs serrés, c'était le double dame remporté par les Bretons, en l'occurrence les Bretonnes. Katel Demo chacun et Chichoufei ont battu Sharon Bauer et Maria Stoliarenko, pardon, en 3-7. Les autres matchs ont tourné assez rapidement. Du coup, point sur le classement dans cette poule 2. Du coup, bah, Chambly est toujours en tête avec 40 points, avec 10 points d'avance sur R sur la liste 30. Et derrière, c'est serré. Strasbourg 25, Aix 24, Rostrenin 20 et Cholet 14. Benoît, voilà, sur cette poule, comme tu l'as dit, le R sur la liste, malgré ce match nul, restait en très bonne, dans très bonne position. Alors, ils reçoivent Chambly, ça risque d'être compliqué la semaine prochaine, mais la pression, elle est surtout sur les Strasbourgeois, qui doivent faire un bon résultat à domicile face à Aix-en-Provence pour continuer d'y croire. Aix-en-Provence qui n'est pas non plus totalement en plus... Voilà, qui peut encore aller en play-off, donc ça va être, comme tu l'as dit, ce Strasbourg-Aix, c'est là qu'il faut... C'est sans doute la rencontre à regarder dans cette poule 2 la prochaine journée. Carrément, on peut imaginer dans un scénario cata que R perd, Aix gagne, c'est totalement relancé pour les playoffs. On reste mesuré parce que la saison de Aix est quand même assez moyenne. Strasbourg a joué sans Alex Lanier et sans quelques joueurs aussi cette semaine. Voilà, les deux effectifs pourraient être très différents la semaine prochaine. Et pareil, on l'a pas mentionné, mais le Rostrenen Cholet, il est plus que vital pour Cholet la semaine prochaine. Il y a 6 points de retard au classement. Le mois prochain, Benoît, c'est le 22 mars, la prochaine. Mois prochain, prochaine journée. Ça pourrait déjà. Une défaite ou un match nul condamnerait Cholet, en fait. C'est ça. Tandis que dans l'autre poule, les prochains matchs, on aura donc Mulhouse qui va jouer contre qui va se déplacer à Paris pour jouer contre le RCF. Fos ne va pas jouer, et du coup le deuxième match, ce sera Caen contre le VGA Saint-Maur. Voilà pour le top 12. On vous tiendra informé de ce qui se passera avant ou après les playoffs. Dites-nous si ça vous intéresse, qu'on en parle d'ailleurs. Voilà, Benoît, est-ce qu'on a fini sur le top 12 et donc sur cet épisode ? Eh bien, j'ai l'impression que oui. D'accord, eh ben merci d'avoir participé. Mine de rien, même quand on a priori moins de sujets, on arrive quand même à faire un épisode de 50 minutes. Donc, c'est ça qui est bien avec le monde du bad, c'est qu'il y a toujours des choses à dire. Eh ben oui, c'est toujours. Enfin, il y a toujours des sujets qu'on n'a pas le temps d'évoquer le reste de l'année. Et en ce moment, en plus, il y a quelques sujets d'actu, donc c'est cool. Eh ben merci à toi, Ewan, comme toujours. Et merci à vous pour votre écoute. Comme je l'ai dit, là, on va repartir sur du débrief de tournoi assez classique avec la tournée européenne qui commence. Et ben, au moment où vous écoutez cet épisode, le German Open est sur le point de commencer et on se donne rendez-vous lundi 3 mars pour le débrief de cette compétition et ensuite Orléans Masters, All England et Swiss Open. J'espère que vous serez là pour nous écouter. À la prochaine! 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。经历这片